va-t'en maintenant que tu es parti. Et surtout ne reviens jamais dans ma vie. Va-t'en maintenant que tu es parti. Et surtout ne reviens jamais dans ma vie. Va-t'en maintenant que tu es parti. Et surtout ne reviens jamais dans ma vie. Va-t'en maintenant que tu es parti. Et surtout ne reviens jamais dans ma vie. Oh, va-t'en. Va-t'en. Maintenant que tu es parti. Et surtout. Surtout. Ne reviens jamais dans ma vie. Va-t'en. Et surtout. Maintenant tu es parti et ne reviens jamais dans ma vie.